week-end à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. On va jouer maintenant au Free Code Game. Je joue au Free Code Game. C'est tout de suite avec, avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Mickaël. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Bah oui, ça va bien aussi. Hein. Plutôt bien Fabrice. T'appelles de hâte. Tu as 38 ans et tu es maçon. Oui. C'est bien cela? Ouais, c'est bien ça. Eh ben c'est bien cela, tant mieux. Alors attention Fabrice, nous allons jouer dans quelques instants au Free Code Game pour peut-être repartir avec un écran plat. Mais ce que je te propose évidemment, c'est avant même de commencer à jouer au Free Code Game, c'est bien sûr de se faire péter, le jingle. Ah non, Tof, tu t'es cru où, quoi, dis donc, c'est dingue ça quand même. Non, le jingle, est... bien il sûr. Cherche le jingle. Allez, Free Code Game. Mais je sais où sont classés les sons, tu sais. Je t'ai vu chercher, j'ai un tu retour. Tu ne vois sur rien écran. Du tout, tu ne vois rien de rien. Rien du tout, tu vois. Bon, allez, attention, on va jouer. Fabrice, tu vas choisir petit paquet, grand paquet, Dorum ou mitraillette. Que choisis-tu, Fabrice? Je vais tenter la mitraillette. Mais oui, tu es un fou dans ta tête. C'est donc pour gagner des gros cadeaux, certes, mais avec des questions les plus compliquées, évidemment. Allez, c'est parti, on y va, on joue maintenant. Et bah écoute, je te souhaite bonne chance. Hein. Bon courage. Allez, 3 sur 5 minimum, voilà, c'est ça. Et si tu arrives à faire 3 sur 5, c'est gagné. Écran plat, tablette numérique ou smartphone. Il faut répondre du tac au tac, on y va. À 10 près, combien de fois une fourmi peut-elle traîner son poids? Une petite fourmi. 1000 fois. 1000 fois, n'abusons pas, c'était 60. 60 fois. Comment s'appelle le bébé de Beyoncé? Aucune idée. C'est une couleur. Ben oui. Brown. Oh, c'est une idée. C'est Blue Ivy. Eh oui, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Il faut plus se tromper maintenant. Hein. Quelle chaîne d'hôtels a été fondée par l'arrière-grand-père de Paris Hilton? Les hôtels Hilton. Bah oui, bah voilà, en toute simplicité. Quel est le premier être vivant à être revenu de l'espace? C'est le chien soviétique, là, je sais plus. C'est une bonne réponse, c'est un chien, bravo. Impressionné. Ouais, il s'appelle comme un appareil photo. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Bon, enfin bon, là c'était un chien, c'était bon. À quelle lettre grecque est associé le nombre 3,141 592 654? Pif. Bonne réponse. Wow. Eh oui. C'est pas mal. Eh ben écoute, 3 sur 5, c'était sur le fil à la fin, hein, parce que comme t'as fourré bien là. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah écran plat, tablette numérique ou smartphone, c'est gagné, tu choisis ce que tu veux. Eh ben je vais prendre la tablette numérique. Tu prends la tablette, elle est pour toi, il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup. La bonne journée. Je t'en prie, au revoir. Allez, à bientôt Fabrice, ciao. C'est rare que ça gagne, mais ça gagne. Comme quoi, ça comme fonctionne quoi, à un moment ou à l'autre. Mais exactement. Il suffit d'être bon. Mais oui, voilà, exactement. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et nous avons Lucille avec nous maintenant. Bonjour Lucille. Non, c'est Justine. C'est Justine, autant pour moi. C'est Justine. Bon, t'appelles de Gerpine, le Justine, c'est pas grave, hein, c'est l'aube, il a encore, il a encore du miel dans les oreilles. Rien de grave, rien de grave. Bon alors, Justine, on va jouer maintenant au serez-vous plus intelligente qu'une Miss, tu penses que tu vas l'être? J'espère rien. Bah écoute, j'espère aussi. Il y a un iPod à gagner si tu fais 5 sur 5, des places de ciné si tu fais 4 sur 5, et en dessous de ça, tu gagnes la possibilité de retourner chez ta mère les mains vides. Qui est quand même un beau cadeau dans l'absolu. C'est même le plus beau cadeau qu'on c'est puisse vrai, faire. Je pense également, c'est vrai. Bon alors, Justine, on y va. Première question, on y va. Où seront les Diables Rouges pendant l'Euro 2012? Bah dis au hasard. Bruxelles. À Bruxelles, oui, par exemple. Oui, c'est ça, chacun chez eux. Voilà, ils seront chez eux. Enfin, je sais pas où ils seront, mais en tout cas, ils seront pas en Ukraine. C'est sûr. Et encore moins en Pologne. Et encore moins en Pologne. Enfin, ou alors en spectateur, mais on n'est pas sûr. Bon, BHV est un grand magasin parisien ou un arrondissement judiciaire? Un magasin parisien. Non, les deux. Eh oui, les deux. Bah, donc c'est une bonne réponse. Non, c'est une demi-bonne réponse. Bah, ça fait un demi-point. Bah, ça fait un point, c'est bon. Non, au final. Un demi-point. Bon, moi je valide pour deux. Mais oui, oh. Justine, t'inquiète pas, de toute façon tu feras pas 5 sur 5. Bon, comment s'appelle le point culminant de Belgique? Justine, pardon? Comment s'appelle le point culminant de Belgique? Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Oui, bien sûr. Et oui, en Belgique, c'est pas mal. En Belgique. Et oui, oui. tu vois ce que je veux dire. Bon, et la Belgique s'est un peu agrandie récemment. Voilà, ouais, c'est ça. Le signal de Botrange. Le signal de Botrange. Et enfin, ah non, avant-dernière question. Vrai ou faux, la Belgique est à l'origine de la création de l'Europe économique? Vrai. Vrai, bonne réponse. Et enfin, à 5 ans près, en quelle année Albert II est-il monté sur le trône? On parle des toilettes, hein. En 1994. Eh oui, non, c'est perdu. 93, faudra demander à Google d'aller plus vite. Ah oui, à 5 ans près, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Bon, enfin, c'était en 93, donc bonne réponse. Bah écoute, ça te fait 4 sur 5, donc 2 places de ciné. C'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est génial. Ah bah voilà. Oui, c'est déjà très bien. Mais oui, c'est ça, exactement. Et Julie, bravo. J'aimerais bien avoir des places de ciné. Mais pourquoi j'ai pas de place de ciné? Bah parce que t'es méchante. Et bravo pour le Mont Blanc. Merci pour ça, oui. Ah ouais, ouais, rien que pour ça, là, tu nous as fait la journée. Bon, Justine, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Et tu reviens quand tu veux. Où est le Mont Blanc, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Regarde sur Google Maps. T'as le temps. Exact. Salut Justine, gros bisous. Gros bisous. Allez, à bientôt. Ciao. Tous les matins, 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins dans Mickaël à la radio, Mickaël. C'est la journée internationale de Pierre. Exactement, journée internationale de Pierre, vous le savez, tous les jours il y a des journées internationales de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est une journée internationale des astuces pour louper un examen. Ah oh bah super. Bah oui, c'est vrai qu'on est parfois pas toujours prêt et qu'on aimerait bien que l'examen soit reporté. Donc voici un bon plan pour louper les examens, voici la journée internationale de Pierre. Par la bonjour. Oui, bonjour. Je suis étudiant et demain j'ai un examen très important à passer. Oui. Et du coup, je voudrais savoir si vous n'avez pas des cachets pour me faire faire un malaise en examen. J'ai pas ces produits. Parce que sinon, je vais devoir boire de l'eau de Javel. Ah ben, il faut jamais faire ça. Hein. Ben oui, mais comme ça, au moins, je fais un malaise et je vais à l'infirmerie. Venez à la pharmacie, j'aimerais vous voir et on en discute. Ben c'est gentil, j'arrive. Ben venez alors, venez tout de suite. Hein. Merci. Oui. Pharmacie des Villes d'Or, bonjour. Oui, bonjour, je devais passer vous voir. Oui. Eh ben, c'est bon, vous inquiétez pas, je viens de boire de l'eau de Javel. Pourquoi vous avez fait ça? Il faut jamais faire ça. Bah oui, je sais, mais au moins comme ça, demain, je passe pas mon examen, même si... Ouh, ça commence un peu à me brûler, là, hein. Vous êtes à quelle... Vous pouvez me donner votre adresse? Attendez, je rebois de l'eau de Javel. Attendez, je vais l'appeler. Donnez-moi votre adresse. Ah, c'est fort, la vache. Il a bu l'eau de Javel. Il a bu l'eau de Javel. Il est en train de tousser. Allez boire. Buvez déjà beaucoup d'eau. Ok. Il faut boire beaucoup, mais il faut me donner votre adresse aussi. Ok, je bois. Vous savez, me donner l'autre, pareil. Je vais voir le numéro qui appelle. L'autre, pareil. J'ai rebu de l'eau de Javel. J'ai dit de boire de l'eau. J'ai jamais dit de boire de l'eau de Javel. J'ai pas compris. Je vais communiquer votre numéro à la police et ils vont faire le nécessaire. Pharmacie des Isidore, bonjour. Oui, bonjour. Pourriez-vous dire à votre collègue que c'était bien de l'eau et pas de l'eau de Javel que j'ai bu? Ah, d'accord, ça va, c'est mieux déjà. Hein. Et dites-le aussi que je passerai mes examens mais à jeun demain. À jeun, ça va, ok. Bon bah, tu sec. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Voilà, bon, c'est un plan, ce n'est pas un bon plan pour rater ses examens, mais c'est un plan. Pas ça, voilà, c'est un mauvais plan, on va dire c'est comme ça. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Maintenant, dans Mickaël à la radio. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Avec Julie, la plus perdante de toutes. Yes, la plus perdante de toutes qui est avec nous, évidemment, tous les matins sur Fun Radio pour le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Il y a donc Nathan qui est avec nous pour jouer. Bonjour Nathan de Warem. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, bah tant mieux. Ça a l'air en tout cas de bien aller, hein. Oui. Quelle pêche. Bah ouais, tant mieux. Écoute, t'as un examen là ou pas, dis-moi, Nathan? Oui, j'ai un examen d'anglais aujourd'hui. Anglais? Oh, no problem, man. Hein? Je propose que l'homme nous parle anglais 30 secondes. Voilà, c'est ça. Yeah, if you want. Tranquille. Yes, if you want. If you want. If you want. Il n'y a pas de problème, on dirait qu'il parle comme Giscard d'Estaing. If you want. Ceci explique beaucoup de choses à propos de la destruction. Bon, Nathan, on va y aller maintenant. Le ni yes ni no. Not yes, not no. Non, ni oui ni non. Ni oui, ni non, ni je. Ouh. Eh oui. D'accord, Nathan. Ni oui, ni non, ni je. Une minute, discussion la plus logique possible face à Julie. T'es prêt? Ça a l'air. Nathan? Oui. Tu es prêt? Oui. Parfait. Ni oui, ni non, ni je. On y va. Nathan ? Oui. Écoute, ça tombait bien, tu fallait gagner un peu de temps, donc là c'est parfait, tu m'as bien aidé Nathan. Tu as été au top. Allez. Tu es un de nos meilleurs participants. Et pour Nathan. Ah là là, quel talent Nathan. Oh mais bonne chance. Bah ouais, bah oh, écoute, le pauvre. T'as intérêt à être en pleine forme pour ton examen d'anglais. Hein, ouais. J'espère que tu as mieux révisé que le ni oui ni non. Hein, si ton prof te pose une question, tu réponds ya ya ya. Ça paraît mal barré déjà. Bon bah Nathan, écoute, bonne chance pour l'examen d'anglais, j'espère que tu seras meilleur qu'à ce jeu-ci, d'accord? On croit en toi Nathan. Bah oui, bonne ça va journée. Aller. Allez, salut Nathan, à bientôt. Ouais. Bye bye. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.